durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'art de faire la fête dans le respect de l'environnement. Nous sommes dans les Vosges, dans le joli petit village de Raon-aux-Bois, avec le coprésident de l'association Tatou La Vida, qui organise ici même la 11e édition de l'éco-festival Festi La Vida, les 29 et 30 septembre 2018. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Emmanuel Vincent, bonjour. Bonjour Eric. Emmanuel Vincent, nous sommes ici, on s'est donné rendez-vous à la salle des fêtes, à la salle municipale de Raon-aux-Bois, parce que c'est ici en partie que va se dérouler ce festival Tatou La Vida, le 29 et 30 septembre 2018. Je le répéterai souvent au cours de ce reportage, mais c'est un des points de c'est un des lieux où se déroulera ce festival, mais aussi à l'extérieur. Avant qu'on rentre dans la programmation précise de ce festival Tatou La Vida d'abord, c'est quoi ? Alors, Tatou La Vida, c'est le nom de l'association. Le festival, on l'a mixé. Le festival, c'est Festi La Vida, mais bon, tout le monde peut faire le mélange. En fait, Tatou La Vida, c'est une association créée par trois copains il y a une douzaine d'années. Ils sont partis en voyage environnemental et initiatique, entre guillemets, en Amérique du Sud. Donc, quand ils ont créé l'asso pour récolter des fonds pour pouvoir partir. Et du coup, ils ont trouvé cet amalgame de « tu as toute la vie », « la vida », c'est un mot hispanique. Donc voilà, ils ont fait un mélange et ils ont trouvé que le nom de l'asso sonnait bien. Voilà, c'est donc ça apportait un peu de soleil dans les Vosges. Absolument, tu peux le dire. Alors, Raon-aux-Bois, petite commune des Vosges, on va peut-être y faire un tour tout à l'heure. Combien d'habitants à Raon-aux-Bois? Alors, j'ai pas de chiffre exact, mais... Raon même, c'est un peu plus de 800 habitants. Et puis après, il y a des petits bourgs attenants qui font que c'est un peu plus conséquent. Mais village même, c'est 800 ou 900. Ah, je n'ai pas de chiffre exact, mais voilà. C'est alors on verra aussi en quoi Festi La Vida est un éco-festival. Mais pourquoi et comment on a un peu compris déjà la réponse, Emmanuel Vincent. Pourquoi le choix de Raon-aux-Bois? On est un peu quand même, on va pas dire au bout du monde, mais entouré de bois. Oui. C'est une très jolie commune, c'est un très bel endroit. Mais il faut quand même oser faire un festival, un éco-festival à Raon-aux-Bois. Ben, en fait, à l'origine, c'est parce qu'un des membres fondateurs qui est parti en Amérique du Sud est du coin. Hein, voilà, donc ça c'est assez facile à comprendre. Maintenant, on est loin d'être les premiers à essayer de créer un événement dans un endroit dit rural, parce qu'en fait, je veux dire, on est un peu plus éloigné des grands centres, des grandes villes, des grands centres urbains. On a accès à moins de choses facilement, etc., etc. Donc, l'endroit au-delà du côté géographique par rapport à là où la personne habite, c'était aussi, ça a plus de retentissement de faire un événement dans un endroit comme ça que dans une plus grosse ville où il y a déjà plus d'activités qui sont proposées. Quoi. Voilà, l'éco-festival Festi La Vida, Emmanuel Vincent, du 29 au 30 septembre, est entièrement porté par des bénévoles. Oui. Et puis c'est un festival entièrement gratuit. Oui, absolument. Au-delà de la problématique, de la sensibilisation à l'environnement, à la promotion des acteurs locaux dans tout ce qu'ils peuvent faire ici, c'est le cheval de bataille principal, on va dire, c'est la gratuité, parce que si on veut toucher des gens sur certaines choses, certaines valeurs, c'est bien que tout le monde y ait accès. Donc évidemment, le plus facile, c'est de ne pas faire payer l'entrée. Hein. Donc tout le monde, toutes les générations, toutes les classes sociales, tout le monde peut avoir accès uniquement parce que c'est gratuit, quoi. Voilà. Et vous attendez combien de monde, combien de personnes pour cet éco-festival? Alors, c'est une bonne question qu'on nous pose chaque année. Hein. J'imagine. Et la réponse est toujours aussi difficile parce que, vu qu'on est gratuit, c'est impossible de tenir un comptage. Hein. En fait, on a essayé quelques petites techniques par moment, mais... ça marche jamais parce qu'en fait, même s'il y a une entrée principale, on ne peut pas évaluer. Alors, on va dire... selon les autorités, entre guillemets, parce que même on demande aux magistrats, on demande aux agents municipaux, hein, aux gens du coin, s'ils ont une idée, parce qu'ils habitent là tout le temps, donc ils ont peut-être une idée. On peut dire qu'on double, voire on triple la population. On va dire qu'on, je pense qu'on peut, on peut se baser sur 2000 personnes sur deux jours, hein, peut-être un peu plus, mais on préfère dire moins que plus, mais voilà, je pense que c'est 2000 personnes. Et tout ça, je disais aussi, Emmanuel Vanson, porté par des bénévoles, combien êtes-vous? Et puis, quels sont les profils des gens qui, pendant deux jours comme ça, mais un festival comme celui-là, avec 2000 personnes, ça se prépare, j'imagine, très longtemps à l'avance, ça nécessite beaucoup d'énergie. Combien et qui êtes-vous? On va dire qu'on est sur un noyau de bénévoles récurrents, hein, d'une quarantaine. On a un CA, hein, un conseil d'administration, avec une direction collégiale depuis deux ans, c'est-à-dire qu'on est 8 preneurs tous de décision. Oui, tous présidents, tous secrétaires, hein, voilà. Donc il y a un noyau dur de 40 bénévoles. L'année dernière, on a explosé parce que comme c'était la dixième, il y avait encore plus de gens qui sont venus faire un petit saut pour donner un coup de main et puis se rappeler à leurs bons souvenirs. Après, le profil, il n'y a pas vraiment de profil. Bien sûr, on est tous installés dans le coin, on est tous sédentarisés plus ou moins, on a quand même développé un réseau, donc on a des copains. Hein. Faut bien préciser que c'est une bande de copains, hein, au départ. C'est pas une association qui a été créée, bon, pour qu'on dise, ouais, on fait quelque chose dans ce village parce qu'on y habite. C'est d'abord une bande de potes, donc évidemment, il y a plein de choses qui sont facilitées, on va dire. Et après, ben voilà, on fédère des gens, et il y a énormément de gens qui viennent d'une année sur l'autre, spontanément. Des nouveaux Raonais qui viennent frapper à notre porte. Il y a même des gens qui sont venus pendant le week-end du festival l'année dernière, au moment de l'installation. Oui, ben, on vient d'arriver, on voudrait bien donner un coup de main. Enfin, voilà. Enfin, pour moi, pour nous, les membres réguliers, ça, ce genre d'anecdote, c'est les plus importantes. Enfin. On imagine. Alors, on va détailler tout à l'heure la programmation de cet éco-festival Festilavida. Emmanuel Vanson, combien d'artistes, d'exposants sont présents pendant ces deux jours, les 29 et 30 septembre? Bon, en fait, c'est variable. En fait, on va dire qu'on, allez, on est entre 30 et 40. On a même été même jusqu'à 50 à une année. Mais le but, c'est sûr, c'est d'habiller le lieu au mieux. C'est-à-dire que c'est bien qu'il n'y ait pas d'espace vide. Bon, rassurez-vous, il n'y en a jamais. C'est plutôt l'inverse. On refuse des gens. Maintenant, c'est, oui, voilà, on va dire entre 30 et 40 exposants, artisans, artistes, hein, qui viennent sur le festival, hein, voilà, c'est à peu près ça la moyenne, sachant qu'on on valorise toujours plus la qualité que la quantité d'exposants. Donc il y a peut-être une année on en a eu entre 25 et 30, mais c'est pas grave, l'habillage du festival était différent, et puis ils ont eu plus d'espace pour s'exprimer, enfin voilà. Et tout ça avec porté par des bénévoles. Mais si la participation au festival Festilavida, Emmanuel Vanson, est gratuit, oui. Il faut bien, alors j'imagine quand même, un budget et puis des partenaires. Bah, bien sûr. Bon, en fait, le festival est gratuit, mais bon, la consommation de breuvages et d'alimentation locale ou bio, hein, elle est payante à des prix totalement... accessible par rapport à d'autres événements, hein, donc voilà. Donc ça, c'est le nerf de la guerre, c'est la consommation d'alimentation, hein, évidemment. Il y a aussi le fait que, donc, on est dans une salle. En plus, voilà, on arrive aujourd'hui pour faire l'interview. C'était, voilà, il n'y avait pas forcément d'accès prévu. On nous laisse entrer dedans, donc c'est un peu symbolique par rapport à la commune où ils nous prêtent la salle, qui est une grosse salle municipale avec des équipements de cuisine, une scène de concert. C'est vrai qu'on peut être surpris par la qualité, par la taille de cette salle pour une commune de 900 habitants. Bah, c'est ça, mais comme je disais en off tout à l'heure, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui se passent, donc une structure comme ça, elle est décisive. Donc voilà, donc on a accès, donc logistiquement, on a accès à l'électricité, à la vaisselle, tout ça, et ça donne lieu sur un espace extérieur qu'on ira voir tout à l'heure. Ça fait un énorme lieu de vie, ça fait un village dans le village pendant deux jours. Quoi. Voilà, alors pour un budget global, on va se contenter de l'arrondi. Oui, bah on va dire, allez, on est sur du 15 000 euros par an, donc ça varie toujours, on fait toujours un prévisionnel. Donc ça, évidemment, on ne peut pas compter ce qui nous est prêté gracieusement, ça ne rentre pas dans le budget, c'est quelque chose qu'on n'a pas à payer. Mais après, c'est les fonds propres, parce que d'une année sur l'autre, on a fait des bénéfices, dont le seul but, c'était de relancer, hein, c'était d'assurer la continuité, la durabilité pour le coup. Exactement, de continuer à le faire l'année d'après, c'était le seul objectif. Et puis il y a des mécènes, hein. On a donc des entreprises ou des assos, des collectivités, hein. Il y a toujours une subvention du conseil départemental qui tombe, on l'a quasiment chaque année maintenant, hein, par rapport à notre projet. Des mécènes, donc ça c'est pareil, c'est des gens totalement désintéressés, des gens intéressés par le projet, des partenaires professionnels qu'on a dans chacun de nos métiers à nous, qui donc on leur dit, bon bah là on fait encore cet événement cette année, est-ce que c'est possible que tu participes? On va voir aussi les enseignes qui sont un peu liées à nos problématique, hein, des gens qui font des commerces bio, artisanaux, donc voilà. Et puis, je crois que j'oublie personne. Et puis ici, aussi, le budget, il n'est pas que financier, il est aussi matériel, c'est-à-dire qu'on nous a prêté et on nous prête et on nous donne énormément de choses. Je t'ai dit tout à l'heure, en off, qu'on installait des canapés. Alors justement, on va s'approcher de la salle d'Emmanuel Vanson pour... c'est donner le lieu principal où aura lieu, où se déroulera les concerts. Ouais. En fait, c'est une salle des fêtes. On voit d'ailleurs derrière des tatamis aussi, j'imagine, pour de la gymnastique. Hein, tout à fait. C'est une salle vraiment multifonction, hein, à Raon. Donc, elle est vraiment bien faite pour énormément de choses. Donc, on voit bien le marquage de sport au sol. Et on verra le programme en détail. Ouais, c'est ça. Durablement vôtre, Eric Mutchler. La Vislava est hôtesse d'accueil dans un bistrot appelé la Marjolaine. Un vieux comptoir au centre d'Argenteuil, elle qui nous vient du sud de la Bohème. On parle d'elle jusqu'à Saint-Denis, du calme de ses seins aux courbes de ses hanches. On la visite du lundi au samedi, mais malheureusement c'est fermé le dimanche. Quand elle demande avec un accent slave, bonsoir monsieur, que désirez-vous boire? Moi comme un con, charmé par sa voix grave, je lui réponds avec un brin d'espoir. Prinastami, dve piva prosim. Prinastami, dve piva prosim. Prinastami, dve piva prosim. Prinastami, dve piva prosim. Qu'elle eut fini son service, je l'attendis debout en plein hiver, mes mains tremblantes, mon regard sur ses cuisses. Elle accepta de venir boire un verre. Bras dessus, nous partîmes dans la nuit, refaire le monde autour d'un rouge amer, noyer l'ennui dans un blanc de pays, et pour finir s'enivrer à la bière. Lorsqu'au matin je vins à m'éveiller, la Dislava dans mes bras engourdis. Demande-moi tout je te l'offrirai. Dans un sourire, la belle répondit. Prinastami, dve piva prosim. Prinastami, dve piva prosim. Prinastami, dve piva prosim. Prinastami, dve piva prosim. À d'autres horizons, à une vie où l'argent fait la gloire, un quotidien sans client ni patron, mais sans un sou on accepte les pourboires. Dans l'arrière-salle de la Marjolaine, la Dislava repense à son pays, au bassin d'Elbe, au monde de Bohème, aux Précarpates et à la Moravie. Si elle retourne un jour dans les Sudètes, loin d'Argenteuil et du blanc de pays, je n'oublierai ses formes si parfaites, ni sa voix grave quand la Dislava dit. Prinastami, dve piva prosim. Prinastami, dve piva prosim. Prinastami, dve piva prosim. Prinastami, dve piva prosim. Nous sommes toujours à Raon-au-Bois avec Emmanuel Vanson, l'un des coprésidents de l'association Tatou La Vida, qui organise les 29 et 30 septembre 2018 la 11e édition de l'éco-festival Festi La Vida. J'ai tout bien présenté. Parfait, Eric, c'est parfait. Voilà. Alors, on est là dans la salle des fêtes, ou un des espaces où se déroulera cet éco-festival de deux jours, les 29 et 30 septembre. On va peut-être rappeler les horaires, Emmanuel Vanson, ça commence à quelle heure? Alors, le samedi, à partir de 16h, jusqu'à la fin des concerts, approximativement 1h du matin. Et puis le lendemain, on ouvre les portes à 11h du matin, à peu près au moment de l'apéritif, et jusqu'à 18h, heure de fin du dernier concert. Entrée libre et gratuite, on le répétera plusieurs fois. On est là dans la salle des fêtes, en tout cas devant la salle des fêtes, la porte est fermée, mais la porte est vitrée, et on voit donc à travers Emmanuel Vanson, cet espace-là, une grande salle pour une petite commune de Raon-des-Bois de 900 habitants, va totalement se métamorphoser pendant ces deux jours. Oui, absolument, donc c'est une salle multifonction, hein. En fait, il y a énormément de choses qui se passent. On voit bien du matériel de gym pour les enfants des écoles, mais en fait, il se passe plein de choses, hein, dans toute l'année dans cette salle. Et donc, en ce qui nous concerne, comme tu la vois en l'état, donc là, tout au fond, ça sera, il y a une scène, hein, avec des plateformes qui sont installées par les employés municipaux, hein, parce qu'il y a une scène de concert. Sur notre gauche, il y a quelques exposants. Sur notre droite, il y aura un bar avec boissons sans alcool, avec des petites crêpes, etc. Et puis tout, à part le devant de la scène, tout est jalonné de décorations, de vieux fauteuils, de vieux canapés, de vieilles tables, de salons, toutes de récupération, hein. Que des dons dont je parlais. On n'est pas un éco-festival pour rien. Non, exactement. Hein, que de la récup, aucun achat, bon, des choses en bon état qui sont d'ailleurs customisées, entre guillemets, donc ça donne un cachet supplémentaire. Il y a des lumières. Vous vous procurez où? En fait, c'est des dons, parce qu'on fait tourner l'information sur le fait qu'on soit aidé et pas uniquement financièrement. C'est si vous avez des choses intéressantes, des canapés, on ne sait plus quoi en faire. On en donne à d'autres associations maintenant, mais c'est super, hein, tant mieux. Hein. Et pareil pour des éléments de décoration. Enfin, donc c'est des dons, voilà, c'est des dons, uniquement des dons, voilà. Donc ça, c'est l'espace festival proprement dit. On verra tout à l'heure ce qui va se dérouler à l'extérieur. La programmation ici, Emmanuel Vanson, pour ce festival, cet éco-festival Festi La Vida, c'est essentiellement musical ici. Oui, c'est-à-dire que là, bon, il y a quand même c'est un endroit de repos, hein, mais le samedi soir, par contre, ça envoie, hein, c'est des concerts, donc il y aura 3 concerts prévus le samedi soir. Ben, il y en a 4, mais il y en a un qui se fait en extérieur, et puis les 3 autres qui sont sonorisés, hein, on a un ingé son, ben, qui fait partie de l'association d'ailleurs, et en fait, ça commence avec une amie à nous qui a créé un duo, ça s'appelle Mamselle Letty, elle fait de la chanson à texte, ça c'est beau à voir. Ensuite, on aura un groupe de funk jazz de Metz qui s'appelle As Malik and the Tribe, et puis pour finir, des copains de Remiremont, ils font de la fusion rap, ça s'appelle Les Infréquençables. Voilà. Et c'est vous qui êtes notamment chargé de la programmation musicale. Oui, c'est ça. Alors évidemment, je ne suis pas fermé aux propositions des copains, parce que tout le monde est assez mélomane dans l'équipe, et puis tout le monde écoute de la musique différente. Mais oui, c'est moi qui essaye de recruter les groupes au maximum, sachant que c'est tous des groupes du coin et qu'ils font tous un effort financier par rapport à leur cachet. Ça, c'est l'esprit de la SOF. Voilà. Et c'est de la musique locale. Oui, c'est ça. Hein, mais les groupes, les styles, les musiciens sont locaux, et la musique, elle, est universelle. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien direct entre les artistes qui se produisent ici, Emmanuel Vanson, les 29 et 30 septembre, dans cet éco-festival Festi La Vida, et précisément la dimension écologique, préoccupation environnementale? Alors, ça tombe bien que tu poses la question, parce qu'en effet, encore plus cette année, on insiste sur le fait qu'on fait de la sensibilisation à l'environnement, hein, mais on ne fait pas de politique, hein, on fait juste que les gens voient une autre manière de fonctionner. En tout cas, la politique au sens noble du terme. Oui, voilà, comme elle devrait être traitée. Et puis aussi l'action locale. Alors ça, c'est très vaste, mais ça veut dire qu'il faut d'abord voir ce qui se passe alentour plutôt que d'aller commencer à aller faire des bornes pour aller chercher des activités. Et on se rend compte qu'il y a énormément de choses et énormément de personnes qui se bougent et qui ont des choses à proposer dans un rayon de 10 km. Donc, et là, en l'occurrence, bon, c'est un peu plus loin, mais le concert phare de l'année de l'année 6, c'est As Malik and the Tribe. Eux, ils ont une politique d'engagement écologique. Chaque année, ils font un événement, eux, dans leur coin, qui est destiné à récolter des fonds. Donc, comme ils ont un réseau de musiciens assez conséquent, ils, ils, ils n'ont pas de mal à programmer des groupes, mais tous les bénéfices reviennent à des associations du coin. Voilà. Alors, il y aura donc toute la programmation musicale. Ce n'est que le samedi ou également de la musique le lendemain, le 30 septembre ? Il y a aussi de la musique le dimanche. Donc, il y a un concert à l'apéritif. Alors, l'année ici, ça sera duo bord de Marne. C'est des gens qui sont de Meurthe-et-Moselle. C'est un duo guitare-accordéon. Ils sont très connus dans le coin. On a un concert spectacle pour enfants, mais pour parents aussi, l'après-midi. Donc, c'est quelqu'un qui habite à Bellefontaine, une commune à 10 km d'ici, qui s'appelle Bouclette, et il fait de la chanson à texte avec plein de petits instruments et de bricoles, c'est génial. Et puis on conclut aux alentours de 5 heures avec un autre duo guitare-violon, Ladislava, qui sont aussi basés à Nancy. Voilà. Et puis vous parliez aussi, Emmanuel Vincent, de la présence d'exposants, j'imagine, et vous disiez tout à l'heure que ce sont que des exposants aussi très proches ici, en lien aussi avec les préoccupations environnementales. Oui, bien sûr, en fait, il y en a énormément. Alors, quand tu dis exposants, je précise toujours, le mot il est très symbolique, mais j'aime bien aussi parler d'intervenants dans le sens où il y a peu de gens qui sont là pour faire du commerce. Excepté finalement les commerçants du coin, le boucher il est présent ici, le pain qui est utilisé c'est le boulanger qui le fait, on a aussi, il y a un fromager du coin qui vient, un maraîcher, on a un copain qui est maraîcher, donc ça c'est, on va dire que eux c'est les exposants qui sont amenés à vendre des produits mais aussi à montrer leur manière de produire. Mais le reste du temps, on met l'accent, et on a toujours voulu faire ça, sur des gens qui ont des choses à proposer, à montrer, à fabriquer, à dessiner, peu importe. Un espace de rencontre, en réalité. Voilà, c'est ça. De toute façon, la ligne directrice de Tattoo La Vida, c'était échange, partage, découverte. C'est des mots assez larges, mais en attendant, quand on vient ici, on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on veut que les gens ils aillent à la rencontre d'un sculpteur ou même d'un fromager, pour le coup, mais qui discutent avec, c'est-à-dire qu'on dit pas, on dit à nos intervenants, il faut vraiment que vous communiquiez sur ce que vous faites et pas sur ce que vous vendez. Et finalement, il y a quasiment personne qui vend. Les gens, ils sont là pour montrer des choses. Voilà. Alors, est-ce que vous profitez de ces deux jours de d'éco-festival Festi La Vida ici à Rond-au-Bois dans les Vosges, ouais. Emmanuel Vincent, pour étant donné qu'en plus l'entrée est gratuite, donc ça incite évidemment les gens à venir peut-être plus facilement et certainement même. Ouais. Est-ce qu'il y a des instants de conférences, de rencontres, d'échanges au-delà simplement de rencontrer les exposants. Alors l'année ici, on n'a pas de conférence prévue, mais c'est irrégulier, ça dépend du temps, ça dépend de la disponibilité des gens qui ont des choses à proposer. Des fois, ils sont déjà pris pour la fin septembre. En général, il y a toujours, il y a très régulièrement une conférence ou une vidéoconférence, c'est-à-dire qu'il y a il y a une projection suivie d'un débat. Ça arrive assez régulièrement. Cette année, on n'en aura pas. On peut citer Gaël de Rive, qui avait été assez populaire il y a 2 ans par rapport à la problématique Vosges Climat. Donc il n'avait pas pu venir, mais on avait eu l'autorisation de projeter son film, etc. etc. Puis voilà, on avait essayé de faire venir d'autres personnes un peu plus renommées. On avait même approché Pierre Rabhi, donc voilà. Bon, lui, il n'était pas local, d'accord, mais en attendant, la problématique était intéressante. Que nous avons déjà reçu d'ailleurs dans Durablement Vôtre, mais je vous interromps. Non, il n'y a pas de problème, bien sûr. Et mais justement, l'échange sur les grands idéaux, il se fait naturellement. Il y a des gens qui restent des heures avec des intervenants. Et quand on a le retour de nos intervenants, on dit ça marche super bien parce que les gens, ils sont curieux. Quoi. Et là, on a gagné notre pari. Emmanuel Vincent, on est toujours dans cette salle des fêtes, mais vous le disiez aussi que beaucoup de choses se passent à l'extérieur. Oui. On va voir un peu où ça va se passer, comment ça va se dérouler. Cet éco-festival Festi La Vida, les 29 et 30 septembre 2018 à Rang-au-Bois. Durablement vôtre. Éric Mutchler. On vient de sortir de la salle des fêtes de Rang-au-Bois pour se retrouver là justement devant la place de l'église. Et c'est aussi là et peut-être même surtout là aussi que va se passer une grande partie de cet éco-festival Festi La Vida, Emmanuel Vincent. Oui, c'est tout à fait juste Éric. En fait, la majorité du festival se passe dehors, à l'intérieur, c'est surtout salle de concert. C'est forcément beau des 29 et 30 septembre 2018. Ouais, mais bien sûr, il fait toujours beau à Raon, en tout cas pour le festoche. En tout cas, donc voilà, en fait là on est sur la place principale, elle est assez conséquente, donc la délimitation est naturelle, au-delà c'est la route, le site ne dépasse pas. Donc devant nous, ça fait comme un parking, on voit bien. Et tout le long du parking, dans la boucle, il y a des intervenants, des exposants, partout. De l'autre côté, là où on voit la haie, pareil, on a même accès au pré derrière, hein, qu'on voit derrière des barrières. Village typiquement vosgien. Hein. Ah oui, complètement. Hein. Là, puis il y a la petite rivière hein, qui fait aussi la niche, hein, qui fait la délimitation naturelle. Donc tout l'espace est rempli. Hein. Il y a l'espace de circulation pour les festivaliers, mais sinon c'est assez rempli. Voilà, je tiens à préciser qu'encore le pré derrière, il est prêté par un des habitants de Raon, et on s'est mis d'accord, on a installé une barrière, donc c'est l'association qui l'a acheté pour qu'il y ait une séparation officielle, et puis qu'il n'y ait que nous qui ayons accès, donc ça se déroule assez facilement. Et puis juste à notre droite, là, le gros parvis devant la salle, c'est là où il y a les tables, énormément de chapiteaux pour que les gens puissent se restaurer à boire un coup, et il y a un accès direct à la salle de concert. Alors, puisque vous évoquez cet espace, Emmanuel Vanson, une fresque avec un dessin d'un cycliste, d'un enfant du pays qui lève les bras et la mention Julien Absalon. Oui, ben en fait, le sous-titre est assez évocateur. Enfant de Raon-Bois, en fait, tout. Bon, pour les intéressés du sport, c'est un champion de VTT émérite hein, internationalement, champion du monde, champion olympique. Donc, il a eu le droit à sa fresque. Alors, c'est intéressant que la fresque soit là parce qu'en fait, ça fait 2 ans que nous posons notre propre fresque là-bas. Hein, l'année dernière, un ami est venu, quelqu'un qui, je peux le citer, hein, même s'il ne viendra pas cette année, il s'appelle Brusque. Il est venu faire une fresque monumentale hein, de 6 sur 3, juste à l'endroit là. Et il l'a faite pendant le festival. Et l'année ici, il y aura encore du monde pour venir peindre à cet endroit. Donc Julien nous a inspiré l'endroit. Outside, doing the whole night, would you be my baby? Vous êtes l'un des co-président de l'association Tatou La Vida qui organise cet éco-festival Festi La Vida, c'est à Raon au Bois dans les Vosges les 29 et 30 septembre 2018 et avec vous aujourd'hui on découvre eh bien ce lieu ici à la salle des fêtes mais aussi la place de l'église où se déroulera tout ce festival. 2000 personnes dans cette commune de 900 habitants, vous disiez tout à l'heure doublement de la population pendant 2 jours, c'est un éco-festival. Alors on a entendu que il y a bien sûr une programmation musicale qui est en lien avec la thématique, les exposants, les gens qui, producteurs locaux, proposeront leur production bio et ou locale, et locale ou bio. Mais en quoi est-ce en plus un éco-festival ? Et qu'est-ce qu'un éco-festival ? La première idée d'un éco-festival, c'est de l'organiser. Que l'organisation en elle-même soit écologique, soit en respect avec la nature. Donc, on met des toilettes sèches, ça paraît, maintenant ça devient une fonction assez évidente. Pareil pour l'électricité, toutes les lampadaires qui sont utilisées. Alors évidemment, il y a quand même la lumière de la commune, mais on l'utilise à bon escient. L'utilisation, l'alimentation, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on achète, c'est que du bio ou des gens qui produisent dans le coin. On a les fameuses Eco Cup. La monnaie du festival, on pousse vraiment loin. C'est de la récupération de bois. C'est des jetons en bois qu'on a récupérés. Et on les a fait à l'effigie du festival, mais ça risque de la récupération. De chute de bois, on n'a pas été coupé d'arbres pour ça. Les gens sont installés confortablement, ils pourront vous le dire, dehors et dedans, dans des canapés, dans des fauteuils qui sont de la récupération, des choses qui auraient pu terminer à la déchetterie mais qui sont encore en très bon état d'utilisation. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Il y a bien d'autres choses selon les domaines. J'ai des copains qui penseraient peut-être à d'autres choses encore, mais voilà. Vous évoquez l'organisation, c'est déjà en amont. Ouais. Vous évoquez l'électricité, ça veut dire quoi, Emmanuel Vanson, au-delà de l'électricité du réseau ici communal? Parce que ce qu'on a essayé de faire depuis plusieurs années, c'est qu'on a fait venir une association. Alors l'année ici, ils seront remplacés parce que malheureusement la date ne correspond pas. Donc on est encore en tractation pour trouver un équivalent. C'est que ça fait 2 ans que les gens produisent de l'énergie en pédalant. Ça, il n'y a rien de nouveau là-dessus. À l'époque des dynamos, il y a un siècle et demi, ça existait déjà. Et donc on a alimenté toute une zone là-bas. Donc la scène, parce qu'il y a une scène extérieure, il y a des concerts qui se font à l'extérieur. Le premier concert du samedi et puis les concerts du dimanche, ils se font à l'extérieur sur une scène qu'on a fabriquée nous-mêmes. Et en fait, les gens, l'électricité produite pour que les musiciens puissent jouer, elle est faite par les festivaliers qui pédalent. Donc il y a toute une zone où l'énergie, elle est autoproduite. Voilà. C'est donc une contribution des festivaliers ici à Raon au Bois les 29 et 30 septembre 2018 pour cet éco-festival Festi La Vida. Alors évidemment l'entrée est libre et gratuite, donc on peut aussi un peu pédaler pour fabriquer son électricité. C'est ça. Il y a aussi, j'imagine, forcément des poubelles. Vous faites le tri sur cet éco-festival, oui. Emmanuel Vanson. Je les ai pas mentionnés, mais c'est évident. Il y a les poubelles de tri, donc. On a fabriqué les contenants nous-mêmes, et puis c'est disséminé à des endroits stratégiques sur tout le festival. Pareil pour les cendriers, les gens fument en France, il y a des gens qui doivent jeter, ils ont des endroits partout, ils ont des cendriers partout, donc des vieilles boîtes qu'on a récupérées, toujours pareil. Donc c'est assez bien pensé au niveau de la propreté aussi, parce qu'il faut respecter l'endroit. Est-ce que les 2000 festivaliers qui viennent à l'éco-festival Festi La Vida, Emmanuel Vanson, sont des gens qui viennent pour la programmation musicale ou pour bien manger, bio et local? Est-ce qu'ils viennent parce que c'est un éco-festival? Et puis, est-ce qu'ils se comportent aussi eux-mêmes comme des éco-festivaliers? Définitivement. Après, évidemment, nous, quand on fait un truc comme ça, on sait qu'on a quand même une bonne population de convaincus, entre guillemets, mais c'est pas eux qu'on vise, c'est ceux qui n'ont... Mais c'est pas des gens qui seraient a priori contre, c'est simplement des gens qui ne sont pas informés sur cette manière de fonctionner, de vivre, des gens qui ne connaissent pas trop le coin. Donc il y a un peu de tout. Alors c'est pour ça qu'on a fait 2 jours aussi. Les premières éditions c'était juste le samedi, parce que le premier jour c'est plus axé sur les animations musicales, hein, les concerts, même s'il y a déjà des exposants. Alors que le lendemain, il y a vraiment, c'est plus familial, il y a énormément de gens de différentes générations qui viennent. Et là, par contre, les festivaliers, ce n'est pas forcément des convaincus de l'environnement, c'est aussi des familles qui viennent voir. Et en général, c'est le dimanche où on a des retours, les retours les plus inattendus. Et finalement, par exemple, c'est quoi un retour inattendu? Il y a des gens qui ne savaient pas, on évoquait l'énergie autoproduite, il y a des gens qui ne savaient même pas que ça existait. Ou alors qui rencontrent des intervenants qui sont leurs voisins. Hein, on a déjà vu des trucs comme ça. Ils se retrouvent sur le festival, ils échangent sur plein de choses, pas uniquement leur activité, puis ils se rendent compte qu'ils sont voisins. Enfin, ce genre de bricole. Des anecdotes comme ça, bon, là, j'en ai pas à vous donner, mais. J'en ai à l'appel. Est-ce que la population locale, Emmanuel Vanson, ici à Rahon-aux-Bois dans les Vosges, est elle-même impactée par ce festival, positivement ou négativement, je ne sais pas. Mais est-ce que l'existence de cette maintenant 11e édition de l'éco-festival Festi Davida, je le rappelle, c'est du 29 au 30 septembre, est-ce qu'ils en retirent quelque chose? Est-ce qu'ils ont modifié leur propre comportement depuis l'existence de ce festival? Alors, modifier leur comportement, je ne sais pas, ça serait un peu difficile à dire. Disons que, de prime abord, ils ont accepté l'événement, parce qu'ils nous prêtent quand même la salle gracieusement depuis maintenant pas loin, enfin pas 10 ans, parce qu'on n'a pas été toujours ici, mais voilà. Ils ont les employés municipaux qui viennent nous aider au moins une journée par week-end. Hein. Donc là, ça montre quand même qu'ils sont d'accord avec le principe. Maintenant, je ne sais pas, moi en plus, comme je ne suis pas raonnais, je ne connais pas tous les gens qui habitent ici, donc je suis très mal placé pour savoir si en fait les raonnais viennent. Mais il est évident que chaque année, je demande quand même à mes copains, et si on en voit de plus en plus venir. Donc, ils sont impactés. Ils ont la curiosité. Même si, admettons, ils ne sont pas d'accord avec le projet, le fait qu'ils viennent, c'est déjà une victoire. On fait parfois l'amalgame, et souvent l'amalgame, entre les festivals et l'état des lieux avant et après. C'est d'ailleurs pas toujours à la faveur du festival et des festivaliers. À l'éco-festival Festi Davida à Rahon-aux-Bois, à la fin du festival, quel est l'état à la fois de la salle, de la place de l'église où se déroule également une grande partie de ce festival? On est en droit de s'attendre à ce que, normalement, les choses soient nickel. Ah ben, surtout quand on nous les prête. Hein. On a une pression qu'on se met supplémentaire. Hein. Ce n'est pas, nos administrateurs qui nous mettent forcément la pression. C'est là où je suis... et on est fiers. Hein. Je dis « je » parce que je suis au micro, mais les copains, l'association, les membres sont fiers. C'est que voilà, l'idée de respect de l'environnement... c'est quand même la première idée, quasiment. Elle est appliquée de bout en bout, c'est-à-dire qu'on est subjugué chaque année. Alors, il peut toujours y avoir des années sans, hein, mais pour l'instant, on touche du bois. En fait, je ne sais même pas si on a besoin de toucher du bois, parce que les gens sont respectueux. Le site, il est très propre. C'est incroyable. On pourrait s'attendre à beaucoup de saleté le samedi soir, après une soirée un peu plus festive et tout. Et donc, nous, on fait le tour du village. Hein, il n'est pas trop gros, donc on fait des équipes. Et on est surpris de voir qu'il n'y a rien qui traîne, que si les gens ne sont pas sur le festival pour dormir, tous leurs déchets, ils vont les mettre dans les poubelles municipales, parce que c'est quand même assez bien fait ici. Donc c'est vraiment, ça c'est une victoire de principe. Quoi. Ça veut dire, Emmanuel Vanson, qu'on peut faire la fête de façon totalement responsable? Évidemment, hein, ça pourrait être un troisième sous-titre à notre événement. Ouais, tout à fait, je veux dire, et ça nous le rend bien, enfin, c'est magique. Yeah, good sense media. Yeah, no drugs, no drugs. On nous assimile trop souvent à des junkies toxicaux qui n'ont pas les pieds sur terre mais les cheveux au vent. À des chômeurs de longue durée, une pipe de crack devant la télé qui ne fait que se défoncer. Nous on n'est pas comme ça. Notre vie est un combat. Les commérages, vos préjugés et vos visages, sans oublier les reportages qui montrent de nous une sale image. Reggae music, c'est no drugs, reggae music, c'est no drugs. Non, non, non, non, je ne fais pas partie de ceux qui se piquent le bras. Non, non, non, non, je ne fais pas partie de ceux qui sniffent la coca. Moi, je préfère brûler mon chalice de Seine-Sémilia, me mettre à web, à me défoncer, rester sur terre et le sang. sang froid. Non, non, non, non, je ne fais pas partie de ceux qui se piquent le bras. Non, non, non, non, je ne fais pas partie de ceux qui sniffent la coca. Moi, je préfère brûler mon chalice de Seine, c'est milliard. Me mettre à web, pas me défoncer, rester sur terre et le sang froid. Pas d'héroïne dans mes veines, pas besoin de morphine pour faire des rêves. Ni de drogue hallucinogène, j'ai juste besoin d'oxygène. Je ne suis pas Tony Montana, trop d'ambition dans la coca. Tu fais rêver les jeunes à coups de gun et de mafia. Je ne fais pas de rock trip au LSD qui se finit en batterie hospitalisée. Je ne m'extasie pas devant les pilules de la mort. Pour tenir une soirée entière suffit de monter le son plus fort. Non, non, non, non, je ne fais pas partie de ceux qui se piquent le bras. Non, non, non, non, je ne fais pas partie de ceux qui sniffent la coca. Moi je préfère brûler mon chalice de Seine-Sémilia. Me mettre à web, pas me défoncer, rester sur terre et le sang froid. Non, non, non, non, je ne fais pas partie de ceux qui se piquent le bras. Non, non, non, non, je ne fais pas partie de ceux qui sniffent la coca. Moi je préfère brûler mon chalice de Seine-Sémilia. Me mettre à web, pas me défoncer, rester sur terre et le sang froid. Emmanuel Vanson, qu'est-ce qui vous motive à préparer et à vous investir autant dans cette 11e édition de l'éco-festival Festi La Vida qui se déroulera du 29 au 30 septembre 2018 ici à Rahan-au-Bois dans les Vosges, entrée libre et gratuite, ça commence le 29 à 16h, éco-festival, et c'est un engagement aux côtés d'autres, vous le disiez tout à l'heure, une quarantaine de bénévoles, même plus peut-être autour de vous. Oui. Voilà, comment est-ce qu'on peut comme ça, à ce point, s'investir dans une telle préparation pour accueillir plus de 2000 festivaliers? En fait, à titre personnel, hein, même si je pense que je parle pour tous mes copains de l'asso, parce que c'est un projet qui est lié à des valeurs que j'ai depuis que je suis en âge de réfléchir. Donc, à partir de là, la motivation, elle vient toute seule. Donc, on applique d'abord ces valeurs. On peut essayer d'appliquer ces valeurs, parce qu'on ne peut pas le faire forcément tout le temps au quotidien. Hein. Dans sa vie à côté, on peut pas tout le temps l'appliquer hein, quand on est au travail ou voilà. Là, on peut vraiment se concentrer sur ce genre de choses. Et puis, la deuxième chose qui est peut-être qui est aussi importante, c'est le retour des gens, parce que quand on voit les gens venir et que ils se disent je vais peut-être faire comme ça maintenant, ou alors ils découvrent un procédé de fabrication ou de lavage que sais-je encore, et qu'ils nous le disent. On a gagné. Enfin, on est fatigué au bout de 4 jours, mais on a eu ces échanges avec les gens et ça nous pousse à repartir sans réfléchir, quoi. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, je suis formateur en anglais, en entreprise. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Aucun rapport, a priori, encore que. Est-ce que vos employeurs, vos clients connaissent l'éco-festival Festi La Vida ? J'imagine que oui, du 29 au 30 septembre à Rahan-au-Bois. Et est-ce qu'ils viennent ? J'en ai parlé. Après, j'ai tendance à, bon, ça c'est quelque chose qui est vraiment personnel, mais j'ai tendance à pas mélanger ma vie privée, enfin ma vie associative et ma vie professionnelle. Cependant, si je fais pas de promotion directe pour l'événement, j'essaye d'instaurer des choses dans le bureau qui sont d'ordre environnemental, parce que c'était pas forcément quelque chose de gagné au départ. Voilà. Là, c'est pour répondre le plus précisément à ta question. 11e édition de cet éco-festival Festi La Vida, on peut encore tout le temps améliorer, apporter encore des réflexions, des actions en faveur du développement durable. Emmanuel Vanson, même pour une 11e édition et probablement encore la 12e l'année prochaine. C'est une très bonne question, Eric, parce qu'en fait, on a commencé donc 2007, 2008, voilà, donc c'était vraiment quelques intervenants, c'était un rassemblement. Et après, on a très vite décidé d'avoir un thème pour fédérer les gens autour d'un thème, hein, lié à l'environnement toujours, hein, ou un thème sociétal. Et puis pour ne pas s'éparpiller sur le genre d'exposants qui pouvaient venir. Mais il faut vraiment se dire qu'à un moment donné, les thématiques sont toujours les mêmes, mais simplement il faut creuser dedans. Donc voilà, on n'est plus sur forcément un thème, on est plus sur un village associatif. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Et Emmanuel Vincent, quand on est comme vous, coprésident de l'association Tatou La Vida, qui organise les 29 et 30 septembre, cette année, ce sera la 11e édition de l'éco-festival Festi La Vida, ici à Raon-au-Bois, où nous sommes, c'est dans les Vosges. On est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Concernant l'événement, de toute façon, ça peut être qu'un coup de cœur. Hein. Je pense tout particulièrement, bon, on l'a un peu évoqué avant, hein, aux festivaliers, parce que surtout les nouveaux venus, hein, on fait découvrir des choses à des gens, c'est un peu le but. Et si on arrive à faire réfléchir les gens sur quelques trucs, c'est pour ça qu'il est fait le festival, c'est pas pour nous. Hein. J'ai un coup de cœur pour les festivaliers parce que, de par leur intérêt, de par le comportement sur deux jours, ils sont extraordinaires. J'en profite pour étendre ce coup de cœur à nos bénévoles, parce qu'ils sont aussi dans la démarche spontanée. Alors évidemment, on a la chance d'avoir un réseau d'amis, il faut les appeler des amis qui est conséquent, qui se bougent, et aussi et qui entraînent derrière d'autres, des nouveaux citoyens de Raon qui viennent spontanément, et ça c'est vraiment le plus, quoi. C'est vraiment le plus important. Quoi. Voilà. Ça c'était votre coup de cœur, et votre coup de gueule, Emmanuel Vincent. Tout à fait. Alors le coup de gueule, de toute façon, c'est un coup de gueule et ce n'en est pas un. C'est-à-dire que c'est une évidence. On est là parce qu'on est obligé, on ne nous demande rien. On est obligé d'être là dans un sens parce que force est de reconnaître que si on arrive à drainer des populations, à véhiculer quelques idées, faire bouger les choses à un niveau local, hein, parce qu'il faut commencer par le local pour que c'est un retentissement plus important, il faut bien admettre qu'au niveau national, il n'y a rien qui bouge. Hein, voilà. Je ne vais pas m'étendre sur les différentes... actualités qui nous traversent par rapport à l'environnement et les problématiques de société, mais bon voilà, force est de reconnaître qu'en haut lieu ça bouge pas, donc c'est pour ça qu'on est là. On va pas non plus les remercier, mais bon, on est quand même là parce qu'eux ils le sont pas. Voilà. Et pour autant, vous faites évidemment référence, Emmanuel Vincent, aux élus, aux politiques, peut-être même au gouvernement et sans doute même. Est-ce que c'est la bonne méthode aujourd'hui de parler d'écologie, de sensibiliser les populations à travers un événement précisément festif comme l'éco-festival? On sait que beaucoup de structures s'interrogent. Comment sensibiliser les gens? On s'aperçoit souvent, d'ailleurs, nous-mêmes, en rencontrant les actrices et les acteurs de développement durable sur le territoire, on voit bien que les gens s'interrogent beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses bougent? Est-ce que c'est finalement une bonne méthode que de leur préparer, de leur proposer une fête pendant deux jours, l'occurrence chez vous, c'est le 29 et 30 septembre, l'éco-festival, le Festi La Vida, Raon-au-Bois, plutôt que de faire des conférences précisément qui sont peut-être un peu ennuyeuses, qui sont parfois difficiles à comprendre. Est-ce qu'il faut donner aux gens le temps aussi de comprendre les enjeux? Oui, tu donnes un peu de réponse dans ta question quand tu parles de conférences ennuyeuses, c'est parce que tout le monde n'a pas accès à des conférences, même si elles ne sont pas toutes ennuyeuses. Alors que là, l'accès, on ne sait pas si c'est la bonne méthode, mais en attendant, c'est clair, hein, nos gouvernants, ils font de la politique pour dire l'environnement, c'est important. Ils le font, hein, ce n'est pas le problème, mais a priori, ça ne marche pas. Hein. Je veux dire, quand on voit qu'on peut encore trouver des endroits qui sont... On jette ces détritus à côté de la poubelle, hein, je prends une idée toute simple. Hein. En fait, on ne sait pas si c'est la bonne méthode, mais en attendant, quand les gens ils viennent ici, eh ben, ils prennent le temps, comme tu l'as évoqué juste avant, de se poser la question. Et je pense que, je ne sais pas si ça marche super bien, mais ça a quand même un petit impact, c'est sûr. Nous, de toute façon, on n'a pas trouvé d'autre médium, et puis on va pas commencer à faire de la politique. Hein, donc, voilà, mais on trouve que ça a un petit impact quand même. Et pourquoi pas de la politique, Emmanuel Vincent? Puisque, précisément, si les choses se passent dans la société civile, c'est une question que je pose très souvent aux personnes que je rencontre pour Durablement Vôtre, où on s'aperçoit qu'évidemment, et c'est une réponse qu'on nous fait très souvent, quand on ne nous parle pas du colibri, où chacun a fait sa part et puis après passe à autre chose. Oui. Mais on a quand même le sentiment que beaucoup, beaucoup de choses, et effectivement, ce qui se produit, ce qui se passe, c'est essentiellement par les acteurs locaux qui ne demandent rien à personne, mais qui agissent. Mais au final, les choses ne sont pas relayées par les élus. Et on a une espèce de mur de verre. On parle souvent de plafond de verre. Là, en l'occurrence, c'est plutôt un mur de verre où les choses sont impulsées par la société civile et absolument pas relayées par les élus. Est-ce que la solution, c'est pas finalement de faire exploser ce mur de verre? Disons qu'il y en a plein qui ont essayé. Hein. Mais en fait, on se rend bien compte que c'est pas possible. Hein. Il y a trop d'enjeux qui sont autres qu'environnementaux à l'heure actuelle pour que ça fonctionne à un niveau national, voire international. Donc après, le mot politique, au départ, hein, l'étymologie, c'est le vivre ensemble. Hein, faut pas l'oublier. Hein. Donc après, nous, quand on bosse avec des assos d'Épinal, de Remiremont, tout ça, ben, on en fait de la politique, mais dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que on se passe des infos, on s'entraide, on partage nos idées et nos découvertes. Et là, ça marche. Mais bon, après... on demande qu'à se répandre, hein, mais bon, c'est aussi aux gens de faire l'effort. Hein, voilà. Est-ce que ça veut dire, Emmanuel Benson, si je suis votre raisonnement, que des actions en faveur du développement durable sont condamnées à rester à l'échelon local et ne seront jamais reprises au niveau national ou international? Je ne sais pas si ils seront condamnés, simplement. Je pense que ça finira par se développer, que ça c'est une plus grande envergure, mais ça partira toujours d'un ajout de petites volontés qui feront qu'à un moment donné, ça se répandra, quoi. Moi, je vois ça que comme ça. Et dans cette perspective, vous êtes plutôt confiant, et il faudra sans doute aussi encore du temps pour que ce qui se passe sur le terrain, comme ça, émerge au plan national et international. Oui, c'est sûr. On est optimiste tout en étant réaliste. Sinon, on ferait même pas ce genre d'événement. On pourrait tout de suite, ouais, ça sert à rien. Hein. Non. Oui, bien sûr. Il faut être confiant en l'avenir parce que quand on parle d'intergénération le dimanche, quand on voit que ça vient de 6 à 66 ans, et voire plus ou même moins, en fait, c'est parce que nos gamins, ils auront ça comme ligne directrice d'entrée de jeu dans leur tête. Merci, Emmanuel Benson. Merci à vous. Voilà pour ce reportage à Raon-au-Bois dans les Vosges où se déroulera les 29 et 30 septembre 2018 la 11e édition de l'éco-festival Festi la Vida avec Emmanuel Benson, co-président de Tatou la Vida, l'association organisatrice. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Facebook à la page A2S pour association a2s.tatoulavida. Vous avez pu écouter dans l'ordre Ladislava par le groupe Lorrain éponyme paru sur l'album Souvenez-vous sorti en 2015, Outside par le groupe messin Asmalik and the Tribe sorti en clip en 2017 et enfin No Drugs par les Alsaciens Faya Green et Mamsel Leti paru sur l'album Reggae Session 6 sorti en 2012. Tous ces artistes seront en concert à l'éco-festival Festi la Vida les 29 et 30 septembre 2018 à Raon-au-Bois dans les Vosges. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvotre.fr.